façon calamiteuse. Car chez nous le ciel est terne. Comme je... Ya, laisse tourner. Ya. On se déteste et on s'aime de façon calamiteuse. Car chez nous le ciel est terne comme une station de la ligne 2. Ils comprennent pas nos vies parce qu'ils savent pas ce qu'on a vécu. On pourrait faire des faux sourires, mais même ça on n'y arrive plus. Du raciste qu'on les baise, dit à Lucier qu'on bougera pas. Qui retourne se branler sur des catalogues qu'on fera main. J'ai qu'une équipe, c'est ma famille, je m'en bats les couilles de ce que l'on dit. Je suis venu au monde sans label, sans éditeur, sans maison de disque. Rien dans le porte-monnaie, on avait tout dans le cœur. Papa est un homme honnête, maman est un hustler. C'est là d'où je viens, les voix s'élèvent et l'enseignement s'achève une fois que l'élève dépasse le mètre 80. En fait, la vie nous a frappé en pleine figure, si bien que de fil en aiguille on finit avec des points de suture. On priera le ciel, espérant qu'un miracle vienne. Les hyènes ressentent la tumeur et moi j'ai d'humeur irakienne. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. Y'a pas de loi dans ma ville, ils disent que nous sommes faits à l'image de leur dieu. Bien sûr, y'a pas de noir dans la Bible, mais y'a des violeurs à l'église. Dit comme ça, ça paraît fou. Mais bon, vu qu'ils ont pas de barbe, je crois que tout le monde s'en bat les couilles. À la base, on était rois, avec de l'or en guise d'habit. Ils sont venus nous piller, tout ça au nom du christianisme. Nos croyances sont pas les nôtres, elles sont juste esclavagistes. Croix de bois, croix de fer, c'est pas pour autant que j'irai au paradis. Débarquer en France, pensant reprendre notre argent. Mais on a fait tout l'inverse, on leur en donne bien plus qu'avant. On aurait pu rester au bled, et puis reconstruire l'Afrique. Mais on est du père, au nom du fric, surtout pas du Saint-Esprit. Non, souvent dans le rouge, on traverse les saisons pourpres. 400 ans de cicatrices, mémoire dans la peau comme Jason Bourne. Je bosse pour mon peuple, je m'efforce de leur ouvrir les yeux. Mais tu sais comment sont les nègres entre eux. Alors je n'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. J'attends plus rien de personne, non. Pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. Ya, on veut l'enseigne car chez nous y'a pas de violence saine. Désaccordé parce qu'on sait pas jouer du piano ni même du violoncelle. On a que notre art de rue comme Luciano. On s'imagine le pire quand on voit passer le scénic. On se fait du mauvais sang comme si on était le sémique. On cherche un job à plein temps, mais on en trouve que dans la rue. Car les agences ne comprennent pas et Bustaflex ne répond plus. Puis les frères finissent pétés, en chien et endetté. 21 juin par jour comme si c'était le solstice d'été. Le daron pensait que je deviendrais pas vu avant le temps. La daronne pensait que je deviendrais pas vu à 20 ans. Capitole, Sony ou Def Jam. Comprenez, mon style n'est pas leur esclave. Tu pèses et tu pèses, content que ma rime te plaise. Je suis obscur, je dors que d'un œil comme Jean-Marie Le Pen. On te fait grapper nos carences, nos peines et nos malchances. Qui veut la guerre prépare une avance. Qui veut la paix prépare un no man's land. Je n'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. J'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer. Ouais. Qu'ils aillent tous se faire enculer. J'éclaire ma ville. Et moi, je voulais dire, si vous le permettez, que la France, il faut que la France et son gouvernement sachent que la France elle-même n'intéresse plus les gens pour chercher des visas pour venir ici. Arrêtez d'utiliser l'immigration comme un timbre pour vous faire élire ou pour rester au pouvoir.